Radio Campus Lille, il est midi. Retrouvez Oisem l'accordéon Grand Festival Musical de retour dès le 18 mai pour sa 21e édition. Adamo, Anne Gran, Arnaud et la fanfare du Vitex marqueront le début des festivités. Et surtout ne ratez pas le Sinsau Mexico le week-end du 24 mai, animé par DJ Dani Romero ou encore Mexican Shaman. Pour plus d'informations, allez sur le site www.flonflon.eu. Bonito pino de pano, soy coplero y te estoy cantando. Jesus says I'm dead. Jesus says I'm dead. Jesus says I'm dead. I'm not dead no. Jesus says I'm dead. Jesus says I'm dead. Jesus says I'm dead, him no dead oh. Sammy plant piece of corn down a gully. Yes it pay down a gully. This is grudge him grudge for Sammy, him no dead oh. This is grudge him grudge for Sammy, him no dead oh. Votre attention s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'Angle d'Attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'Attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus et vous faites bien, puisque c'est l'heure d'Angle d'Attaque, l'émission proposée par les trois attaques de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Avec aux manettes Florent, maître du chrono qui proposera la pause musicale et le calendrier militant pour les 4 semaines à venir, et les intervieweurs de service, Ludovic, René La Science et Christian. De quoi parlons-nous aujourd'hui? À 8 jours des élections européennes. Des élections européennes. Pas de surprise donc, sauf que nous opérons dans le cadre strict imposé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et oui, le dit cadre étant repris par le Conseil d'administration de Radio Campus qui proscrit toute invitation de candidats sur les 106,6 MHz de la radio. Le non-respect de cette proscription nous obligerait à recevoir tous les candidats et candidates. Il y a quand même pas mal qu'on n'a pas du tout envie de voir. Et en plus, il faudrait leur donner le même temps de parole. Donc, manquera que ça. Eh bien, cela ne va pas nous empêcher de parler des enjeux de ces élections puisque notre invité consacre une bonne partie de sa vie de chercheur à l'Union européenne et à son fonctionnement. Il est économiste, il a publié plusieurs ouvrages sur l'Europe avec Coralie Delhomme. Bonjour David Kaila. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au téléphone. Je m'assure quand même que vous n'êtes pas l'un des 2686 candidats de la députation européenne. Non, pas du tout. Bon, je ne me trompe pas, même sur une liste belge, mais enfin là, ça ne compterait pas. Voilà. Donc, vous êtes membre des économistes atterrés, ce qui, pour nous, est une référence. Vous avez été invité récemment par nos amis du monde diplomatique, ce qui est une deuxième référence. C'est Ludovic qui est votre contact avec Angle d'Attaque qui pose la première question. Oui, alors évidemment, c'est difficile de ne pas commencer à parler des élections européennes. Et donc la question qui va augurer notre entrevue, ça serait de connaître déjà les enjeux de cette élection. Donc est-ce que vous pourriez nous rappeler éventuellement les enjeux de ce scrutin donc, qui aura lieu dans une semaine? Alors il s'agit d'élire donc les députés européens. Ils sont un peu plus de 700. Députés, alors en ce moment il y a un souci parce que on ne sait pas ce qu'on doit faire avec les députés britanniques. Donc pour l'instant en France on a 75 députés qui vont siéger au Parlement européen. C'est en fonction de la démographie, hein, sachant qu'il y a quand même un minimum, ce qui veut dire que Malte a quand même en proportion de sa population plus de députés que la France ou l'Allemagne par exemple. Mais si les Britanniques partent, le nombre de députés passera à 79 hein, pour la France. Donc ces députés européens, ils siègent au Parlement européen. Le Parlement européen est co-législateur de l'Union européenne. Co-législateur, ça veut dire qu'il participe à la décision, enfin à la au vote de directives, sur des directives. Il vote aussi pour les membres de la Commission européenne et pour son président, et il ratifie aussi les traités commerciaux. Donc c'est pas une absence totale de pouvoir qu'a le Parlement européen. Néanmoins, il faut bien comprendre que quand je dis co-législateur, ça veut dire qu'il est législateur avec le Conseil des ministres européens, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une entente entre les deux institutions. Le Conseil des ministres européens, bien, il est constitué des ministres. Alors ça dépend sur quel domaine on se place, hein, mais c'est en gros des représentants par État. Et puis alors l'autre limite du pouvoir du Parlement, c'est que il ne peut pas être à l'initiative de directives. Les directives sont toujours initiées par la Commission européenne, donc qui n'est pas exactement co-législatrice, mais en réalité qui participe de fait à la législation européenne. Et alors dernière limite qui est là aussi importante, c'est que les directives s'inscrivent dans un ordre juridique européen qui est fondé sur des traités européens. Or, les traités européens, eh bien le Parlement européen ne peut pas les modifier. Ce qui veut dire que les directives doivent être compatibles avec avec l'ensemble des traités qui imposent de très nombreuses règles, en particulier des règles dites néolibérales, hein, le libre-échange, la libre concurrence, l'ouverture des marchés, etc. Tout cela est déjà dans les traités. Et donc, le Parlement européen ne peut pas véritablement prendre des décisions qui irait à l'encontre de cela, même s'il peut aménager la manière dont les traités sont interprétés et rendus. Dernière limite, le Parlement européen ne veut pas lever l'impôt. Il n'y a pas de possibilité de créer des impôts européens via le Parlement européen, ce qui d'ailleurs est très paradoxal, parce que normalement un Parlement national est fait justement pour lever l'impôt. Donc il n'y a pas d'impôt européen, il n'y a pas de possibilité pour l'instant d'en créer un. Donc le budget européen, c'est un budget qui est constitué des contributions des États membres. Bon, alors là, du coup, nos auditeurs et auditrices, en vous écoutant, vont se dire « Bon, c'est peut-être pas la peine de se déplacer dimanche prochain. Ah, » C'est-à-dire que si, c'est la peine de se déplacer, parce que il y a des... le Parlement européen n'a pas beaucoup de pouvoir, mais ça, tout le monde le sait. Hein, oui. C'est pas un scoop. Le problème, c'est que derrière les votes, il y a quand même des choses qui sont dites. C'est-à-dire que quand on peut s'exprimer, c'est notamment si on s'exprime pour dire qu'on veut profondément changer les traités européens. Certes, le Parlement européen ne pourra pas changer les traités, mais on envoie quand même un message. Alors, l'autre chose aussi, j'en ai pas parlé, c'est qu'un des enjeux du Parlement européen, c'est aussi de savoir qui va le diriger, sachant que depuis sa création, en réalité, il est dirigé par une alliance de la droite et de la gauche. C'est-à-dire que le PSE et le Parti populaire européen, qui sont les deux partis qui coalisent d'une part les sociaux-démocrates et d'autre part les conservateurs, en fait, ils co-dirigent le Parlement européen. Il est possible que aux prochaines élections, eh bien, en fait, on ait une nouvelle alliance. Hein. Pourquoi ? Parce que les deux grands partis sont affaiblis, hein, le Parti populaire européen et le PSE, et donc il est possible qu'ils trouvent une autre forme de coalition avec les libéraux, avec les verts. Donc ça va être une grande question. Bon, sachant que de toute façon, quelle que soit la coalition, ça sera une coalition qui sera très gauche-droite, hein, globalement, je ne pense pas qu'il y aura un renversement de la table, mais l'un des enjeux, c'est justement de contrer les forces dites populistes ou eurosceptiques pour les principaux partis européens. Oui, de toute façon, effectivement, il faut rappeler que le Parlement européen ne fonctionne pas sur les mêmes règles que le Parlement français, et ça marche beaucoup au compromis, d'où les alliances qui peuvent, en tout cas au regard de la France, apparaître comme quelque peu étranges. Effectivement, on va avoir des coalitions entre les Verts et les PPE. On a des coalitions, là, on a le SPD qui a clairement dit qu'il allait se rallier à une alliance dont Macron serait à l'initiative. Donc effectivement, on a quelque chose d'assez... d'assez étrange vu de France. Et est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur cette spécificité effectivement du Parlement européen ? C'est-à-dire que toute la question, c'est comment on s'allie, parce que globalement il y a un certain nombre de postes qui sont distribués, des commissions, des responsables de commissions, évidemment le poste du président du Parlement européen, et en fait dans les commissions il y a quand même des choses qui se font, c'est-à-dire il y a des choses qui se disent, c'est-à-dire que l'autre spécificité du Parlement européen, et ça c'est peut-être une indication pour voter, c'est que même les députés qui sont d'opposition c'est-à-dire qui ne sont pas membres des grandes parties de coalition, peuvent être entendus. C'est-à-dire qu'ils peuvent participer à des commissions et le conflit gauche-droite n'est pas aussi présent à l'échelle du Parlement européen qu'il ne l'est à l'échelle des parlements nationaux, en particulier de la France. Il faut savoir qu'en Europe, il y a de très nombreuses coalitions gauche-droite qui existent. Déjà en Allemagne, c'est la grande coalition depuis un certain nombre de temps. Donc les rapports politiques ne sont pas les mêmes au Parlement européen que dans le pays. Ce qui explique d'ailleurs la proposition d'alliance du SPD avec Macron, mais ça ne suffira pas. Le SPD ne pourra pas ne s'allier qu'avec Macron et les libéraux. Il faudra qu'il s'allie avec d'autres partis politiques. Et donc c'est là que vont commencer les négociations dès la fin des élections du Parlement européen. Oui, mais en même temps, les alliances gauche-droite, est-ce qu'elles changent beaucoup? Enfin, nous, on a vu en France une certaine continuité de Sarkozy à Macron en passant par Hollande, quoi. Bien sûr, parce que c'est le projet néolibéral qui domine en réalité toutes les politiques européennes. Et là, j'en reviens à ce que je disais au tout départ, c'est-à-dire que toutes les politiques menées à l'échelle européenne doivent être compatibles avec les traités. Et les traités sont des sens néolibérales. C'est bien le problème. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, même si on avait... une majorité réelle des députés européens qui seraient sur la ligne, par exemple, de la France insoumise ou du Parti communiste, donc une ligne très à gauche, les marges de manœuvre de ce Parlement européen seraient très très faibles. Non seulement parce que il devrait toujours... la Commission européenne est à l'initiative des directives, et puis qu'il y a un autre co-législateur qui est le Conseil des ministres, mais aussi parce que tous les textes européens doivent être compatibles avec les traités. Et les traités ne peuvent pas être modifiés à partir du Parlement européen. Il faut bien comprendre, ce sont des traités internationaux, donc qui engagent la signature des États, et le Parlement européen, en fait, n'a pas son mot à dire sur le contenu des traités. Ce qui pose évidemment un problème. Les traités européens, c'est ce qu'on appelle, les juristes appellent une constitution matérielle, c'est-à-dire une constitution de fait de l'Union européenne. Mais dans un pays comme la France, la constitution peut être changée par le Parlement, avec l'accord des deux chambres. En Europe, c'est pas le cas, parce que les traités qui font office de constitution sont en réalité signés, ratifiés par les États membres. Et seule l'unanimité des États membres peut permettre un changement de traité. C'est ça. Mais donc, lorsqu'on a eu l'épisode de Polgmaniet en Belgique pour la signature du CETA, enfin pour les premiers, ça fait quand même caillou dans la chaussure, ça. Bien sûr, parce que justement, c'était un traité commercial. Alors, c'est un peu différent. Les traités commerciaux ne sont pas des traités au sens des traités européens. C'est-à-dire qu'ils sont signés par l'Union européenne vis-à-vis d'autres... c'est des traités qui sont extra-Union européenne, mais pas intra-Union européenne. Donc là, il y a une délégation qui a été donnée à la Commission européenne. La politique commerciale est portée en exclusivité par la Commission européenne. Le souci, c'est que les nouveaux traités commerciaux qui sont signés ne sont pas du seul ressort de la compétence européenne. Ils sont aussi des ressorts de compétences nationales, en particulier, vous savez sans doute, pour le CETA, eh bien, c'est cette histoire de tribunaux arbitraux. Alors les tribunaux arbitraux, c'est la justice, et la justice c'est national. Donc il a fallu l'accord des États membres pour ratifier le CETA. Et c'est là que Polgmaniet, président de la Wallonie, a pu s'opposer à ce que la Belgique signe, ce qui faisait que l'Union européenne ne pouvait pas signer. Enfin, vous le savez aussi que cette opposition n'a pas duré très longtemps et que finalement, le CETA a été ratifié par tous les États. Donc, si j'entends bien ce que vous dites, vous distinguez deux types de traités, les traités commerciaux et les autres traités. Vous parlez des autres traités au départ. En fait, les traités européens, quand on parle des traités européens, sont spécifiés. Il s'agit des traités entre pays européens, donc intra, voyez, européens. D'accord. Le dernier, c'est TSCG, le pacte budgétaire. On a Maastricht, on a Amsterdam, on a de très nombreux traités, l'acte unique, etc. Les traités commerciaux sont des traités qui sont signés par l'Union européenne avec des entités extérieures, par exemple le Canada ou le Japon et autres. Et alors, sur ces traités commerciaux, il y a deux sortes de traités, pardon d'aller un peu dans le détail, mais c'est important. Il y a les traités qui sont de commerciaux purs, c'est-à-dire qui sont juste un problème de droits de douane, etc. Et dans ce cas-là, ça ne passe pas par la ratification des États membres. Par exemple, le traité signé avec le Japon, récemment, n'a pas à être validé par les États, parce que c'est un simple traité commercial de base, si je puis dire, et les États n'ont pas donné leur accord, ils ont déjà, par avance, décidé que c'est l'Union européenne qui décidait la politique commerciale. Le CETA avec le Canada est un peu différent, parce que c'est un traité qui a, dans ses dispositifs, qui a des éléments qui touchent, en fait, à la souveraineté des États, et notamment les tribunaux arbitraux. Et donc, pour être en application complète, il faut qu'il soit ratifié par tous les États, parce que les États doivent, accepter, par exemple, les décisions des tribunaux arbitraux, et ça, c'est pas une compétence de l'Union européenne. Entendu. Une question de René. Oui, à propos des traités intra-européens, est-ce qu'ils sont toujours dans le cadre du droit international ? Alors, là, vous posez une très grande question pour les juristes. C'est-à-dire que les traités européens, au départ, enfin le traité de Rome, hein, et puis les autres, sont des traités qui sont théoriquement des traités internationaux, puisque ce sont des traités qui concernent les États entre eux. Le truc, c'est que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que ces traités internationaux, en réalité, s'adressaient non seulement aux États, mais aussi aux citoyens. C'est ce qu'on appelle l'effet direct. Et donc, ça veut dire que les citoyens sont aussi concernés par le respect des traités et par les droits qui leur sont accordés par les traités européens. Ce qui veut dire, par exemple, qu'une entreprise française peut condamner l'État français si l'État français vote une loi qui est contraire aux traités européens, par le droit national. Et donc, ça veut dire que de traités internationaux, en réalité, les traités européens sont devenus du droit interne. C'est tout le problème. C'est-à-dire que la France ne peut pas désobéir aux traités parce que dans le droit national, eh bien, les traités sont reconnus comme étant un ordre juridique qui s'applique en France et qui concerne les citoyens et les entreprises françaises. C'est donc une espèce de traité supérieur, en fait, on peut dire comme ça. Oui, c'est pour ça que on appelle cela la constitution matérielle de l'Europe. C'est les juristes considèrent que les traités européens forment une forme de constitution, sont d'ordre constitutionnel, dans le sens où ils sont supérieurs aux lois nationales. Et ils s'imposent aux lois nationales. Alors, on a en plus confirmé cela alors par des arrêts du Conseil d'État à la fin des années 80, mais aussi par l'introduction dans la Constitution française du titre 15 de la Constitution française qui précise très clairement que la France est membre de l'Union européenne et donc sa législation doit être compatible avec les traités européens. Mais avant même que l'on le fasse, introduire l'Union européenne dans la Constitution, le fait même, c'est la jurisprudence de la Cour de justice et la jurisprudence des cours nationales et du Conseil d'État qui a considéré que les traités européens s'appliquaient en droit interne. Et ça, c'est vrai dans tous les pays de l'Union européenne, en réalité. Mais je trouve, c'est une impression personnelle, je trouve que ça s'est passé assez facilement. Ça n'a pas l'air d'avoir soulevé des foules lorsqu'on a introduit des principes constitutionnels européens dans la Constitution française. J'ai l'impression que ça se passe en douceur, pour ne pas dire en loose day. Oui, c'est vrai. Ben oui, non, c'est clair. Ce qui est d'ailleurs totalement paradoxal, c'est que le traité constitutionnel 2005, en fait, ne faisait que confirmer des choses qui étaient déjà dans le droit français. C'est-à-dire qu'en fait, la Constitution existait déjà, mais personne n'en avait conscience. D'où d'ailleurs l'impasse dans laquelle les Européens se sont retrouvés quand finalement le traité constitutionnel a été rejeté en 2005 à la fois par la France et par les Pays-Bas, et où le problème, c'est comme c'était déjà en place, il a fallu quand même refaire un nouveau traité, donc le traité de Lisbonne, et puis cette fois-ci il est passé par la voie parlementaire, comme vous le savez, parce qu'en réalité le droit européen était déjà inscrit dans le droit national, et de toute façon c'était déjà un droit d'ordre constitutionnel. Alors j'invite les auditeurs à s'intéresser un peu à ce qui s'est passé, notamment aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. À l'époque, c'est la Cour de la Communauté européenne, parce que c'était un autre nom, mais c'est des arrêts de 1963 et 64. C'est-à-dire que c'est dès les années 60 que la Cour de justice de l'Union européenne a décidé qu'elle pouvait... alors, il y avait deux éléments. L'effet direct, c'est-à-dire que les individus peuvent se prévaloir du droit européen contre le droit national, et puis deuxième conséquence, c'est la supériorité des traités européens sur les droits nationaux. Parce qu'en théorie, un traité international classique, il peut être toujours remis en cause par un vote du Parlement, puisque c'est le Parlement qui ratifie les traités. Le Parlement peut également dénoncer les traités et donc en sortir ou prendre des lois qui contredisent les traités. D'ailleurs, Donald Trump ne tape pas du tout de dénoncer un certain nombre de traités en ce moment. Mais pour le droit européen, c'est là qu'on est passé sur quelque chose d'autre. C'est-à-dire que ces traités qui au départ sont des traités internationaux, mais qui ont été complètement intégrés dans le droit national et qui veut dire que le Parlement français ne peut pas prendre une loi qui est contraire au traité aujourd'hui, parce que cette loi sera immédiatement retoquée par le Conseil d'État ou par la jurisprudence, et donc elle ne pourra simplement pas s'appliquer. C'est impressionnant. Alors, c'est curieux parce qu'on faisait la remarque que c'est 1963-1964, c'est l'époque de Gaulle quand même. Oui, tout à fait. Mais alors, il faut voir que à ces moments-là, ça ne s'applique pas à la France, en fait. C'est-à-dire que c'est des affaires extérieures à la France, c'est des affaires très précises, c'est une jurisprudence. Effectivement, c'est l'époque de Gaulle, mais dans le droit français, en fait, le droit français ne va véritablement reconnaître la supériorité des lois européennes qu'en 1989. Donc là, on n'est plus tout sous De Gaulle. Oui, oui. C'est-à-dire que la Cour de justice dit quelque chose, mais ce n'est pas encore forcément reconnu par le droit français. Il faudra plusieurs décennies pour que l'architecture se construise complètement. Entendu. Une question de Ludovic. Donc pour vous, les traités européens sont... Il y a une forme ici de fatalité, en fait. Donc pour vous, vous avez l'impression qu'il y a une forme de... Ça s'impose de manière implacable et qu'on ne peut pas y avoir prise. Alors, il y a quelqu'un comme Thomas Piketty, par exemple, qui pense qu'on peut quand même modifier la donne en Europe sans forcément toucher au traité. Notamment, il a lancé là, récemment un projet de traité de démocratisation de l'Union européenne. Comment un peu vous vous situez par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une ligne de clivage entre vous? J'ai cru comprendre qu'il y en avait une. Est-ce que vous pourriez éventuellement revenir là-dessus avec... Est-ce qu'il n'y a pas un débat justement sur cette histoire de traité? Est-ce que vous n'êtes pas peut-être en train de justement d'avoir une vision presque limite fatalisme sur ces traités, là où Piketty laisse entendre que finalement il y aurait peut-être une possibilité quand même de modifier un peu la donne? Alors, je réponds de temps. D'abord, je ne suis pas totalement fataliste parce que les traités laissent une large marge de manœuvre. Hein, parce que tout n'est jamais dit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des directives. C'est pour ça que les directives, par exemple la directive détachement, elle met en œuvre le traité de l'acte unique, en fait, qui va organiser la libre circulation du travail. Donc, libre circulation du travail, comment ça se fait? Là, le traité ne dit libre circulation du travail, mais il va pas plus loin. Donc après, la manière dont on organise la libre circulation du travail, ça, c'est le rôle des directives et du Parlement européen et du Conseil, et de la Commission et du Conseil des ministres européens. Donc, il y a, le traité dit une chose, mais l'application peut être quand même très variée. On peut appliquer différemment la question de, enfin, la libre circulation du travail. Par exemple, on n'est pas obligé de considérer que qu'il faut payer, les salariés qui vont venir des pays de l'Est vont être moins bien payés parce qu'ils auront droit à moins de droits sociaux que les salariés français. Ça c'est une décision, vous voyez, qui est laissée libre dans l'application aux législateurs européens. Alors, pour revenir sur Piketty, il a bien conscience quand même de tout cela, puisque sa proposition, c'est bien de créer de nouveaux traités. C'est-à-dire que seuls de nouveaux traités peuvent transformer les anciens traités. Et donc, il parle bien d'un traité de démocratisation européenne, donc, de reconstruire un nouveau traité. Donc, il est bien aussi sur cette logique. Il dit pas que c'est à partir du Parlement européen qu'on va pouvoir faire quoi que ce soit, en réalité. Si on le lit, il parle de traité. Donc, un traité, ça veut dire la signature des États. Et il a aussi bien conscience que, dans l'état actuel des rapports de force en Europe, un nouveau traité ne pourra pas faire l'unanimité. Donc il propose de faire un traité entre les États qui le souhaitent. Et donc son objectif, c'est de convaincre non pas l'unanimité des États, mais un certain nombre d'États. Alors c'est une proposition qui est assez fine, parce que concrètement, le dernier traité européen, le pacte budgétaire, en réalité, n'a pas été signé par tous les pays européens. Il a été signé par, je crois qu'il y en a deux États qui n'ont pas signé. Et donc, on peut faire des nouveaux traités qui ne sont pas forcément des traités unanimes, ce qui donne aussi une marge de manœuvre. Alors, maintenant, sur le fond de la proposition de Piketty, le problème, à mon avis, c'est que ce n'est pas une proposition qui est très facile à mettre en œuvre et même si elle paraît ambitieuse, en réalité, elle ne réglera pas les problèmes. Il propose un budget également. Oui, justement, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, ce que Piketty veut faire, c'est faire une forme d'union fiscale qui serait par-dessus l'union économique. Union fiscale veut dire, eh bien, les États vont aller vers une forme de coopération renforcée dans laquelle ils vont mettre en commun leur fiscalité, notamment la fiscalité des entreprises, une taxe sur les transactions financières, etc. Ce qui permettra de dégager un budget. Donc il va en fait créer un nouveau Parlement. Alors là aussi, ça pose plein de problèmes, parce que quelle sera cette légitimité de ce Parlement? Parce qu'il ne sera pas le même que le Parlement européen, puisque par construction, ce nouveau traité ne regroupera pas l'ensemble des pays européens. Ça ne regroupera qu'une partie des pays européens. Évidemment, je pense que Piketty voudrait qu'il y ait la France, l'Allemagne, le Benelux, on va dire l'Italie, l'Espagne, enfin les pays du, les anciens pays européens. Voilà, mais le problème, c'est qu'il faudrait l'accord de tous ces États. Donc là, c'est là le problème que ça a posé. Ensuite, donc il veut un Parlement qui, du coup, par rapport au Parlement européen, lui, puisse lever l'impôt. Et ça, c'est très important. Parce que c'est justement faire une union fiscale, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une possibilité de lever l'impôt. Et ensuite, du coup, puisqu'on lève l'impôt, on a un budget, et ce budget pourrait être collectivement discuté par ce nouveau Parlement. Alors, moi, j'ai deux critiques à cela. La première critique, c'est que politiquement, c'est très compliqué de créer une forme d'Europe à deux vitesses, de créer un autre Parlement européen qui ait, lui, le pouvoir de lever l'impôt, alors qu'il y a déjà un Parlement européen. Vous voyez que les gens ne vont plus rien comprendre. Alors, on a un Parlement de la zone euro, puis un Parlement, enfin, la zone euro, ou d'une partie des pays de la zone euro, parce que je ne suis pas sûr que ce nouveau traité pourra être ratifié par tous les membres de la zone euro, notamment les pays baltes, par exemple, hein, qui sont sur une logique totalement différente, ou même l'Irlande, qui est sur une logique de dumping fiscal. Donc, comment on va faire pour convaincre ces pays de signer ce nouveau traité? À mon avis, ils ne seront pas dedans. Donc, on aura des pays qui sont dans la zone euro, mais qui ne seront pas dans le Parlement de la zone euro, vous voyez. Ça devient compliqué. Donc moi, ce que je semble, et puis par ailleurs, la Commission européenne s'est officiellement opposée à la création d'un nouveau Parlement de la zone euro. C'est-à-dire, Jean-Claude Juncker a été très, très, très ferme là-dessus. Donc ça veut dire qu'en fait, on va créer une autre Europe à côté de l'ancienne Europe. Et donc, c'est compliqué. Deuxième élément, et ça, c'est une critique de fond, c'est que je pense que, et là, ça, c'est aussi Piketty, c'est-à-dire qu'il a un tropisme fiscaliste. Hein, il veut tout régler par des problèmes fiscaux. Or, je pense que c'est ne pas comprendre les enjeux réels qui se passent aujourd'hui en Europe que de vouloir les solutionner uniquement par la fiscalité. Alors, quels sont ces enjeux réels? Eh bien, c'est ce qu'on va dire, ce qu'on appelle la divergence économique. Aujourd'hui, en Europe, eh bien, on a, à cause du marché unique, alors ça, c'est le travail que j'ai fait avec Aurélie Delhomme hein, dans nos deux livres qu'on a écrits ensemble, c'est-à-dire que nous, on met l'accent sur le problème du marché unique. Et le marché unique, c'est la libre circulation du capital et du travail. Et le problème, c'est que dans le cadre de la libre circulation du capital, eh bien certaines zones vont se renforcer, ce qu'on appelle les pays du cœur, l'Allemagne, etc. Toutes les zones qui sont proches ou qui ont accès directement aux grands ports de la mer du Nord vont avoir des coûts logistiques inférieurs à d'autres et vont se renforcer industriellement. Alors que les zones périphériques, type l'Europe du Sud ou même l'Europe de l'Ouest, vont perdre en industrie. Et alors, le problème... C'est cette divergence économique crée des véritables problèmes politiques, crée des divergences d'intérêts. Alors ça aussi, c'est ce que Stiglitz dit dans son livre hein, sur l'euro. Et conséquence de quoi? Eh bien, il faudrait qu'on fasse converger. Et le problème est, c'est là que j'en viens à Piketty, est-ce que véritablement l'union fiscale, c'est-à-dire organiser une forme d'union de transfert où la richesse de l'Allemagne irait un peu, ruissellerait un peu sur l'Europe du Sud, est-ce que ça peut permettre de résoudre le problème de fond qui est la divergence économique? Et en réalité, non. Je veux dire, on le sait, entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud, malgré une unification économique et une unification fiscale, eh bien, il n'y a pas eu de convergence. L'Italie du Sud ne s'est jamais industrialisée et ça a entraîné des véritables problèmes parce que l'argent du Nord est effectivement allé se déverser dans le Sud, mais ça a entraîné la corruption, ça a entraîné du racisme de la part du Nord vis-à-vis du Sud. Et en réalité, ça pose de très nombreux problèmes. Par ailleurs, il n'est pas du tout sûr que les Allemands soient d'accord pour faire une union fiscale, une union de transfert qui ferait que l'argent allemand irait ruisseler dans le sud de l'Europe. Et donc, ça pose un problème politique, ça pose un problème d'outil, c'est-à-dire que l'outil, pour moi, n'est pas performant. Ce qu'il faudrait pour réindustrialiser l'Europe du Sud, c'est revenir sur le marché unique, c'est-à-dire revenir sur la libre circulation du capital et faire en sorte de revenir sur la libre concurrence et faire en sorte de financer des véritables projets industriels et de protéger hein, les zones les plus fragiles de l'Union européenne en se sortant des règles de la concurrence. Et ça, le problème, c'est que c'est pas ce que Piketty propose. Et l'autre problème, c'est que si on voudrait proposer ça, eh bien, il faudrait revenir, il faudrait pas juste rajouter un traité par-dessus les autres, il faudrait surtout remettre en cause les anciens traités. Et ça demande de fait l'unanimité. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et vous parlez presque d'une Europe fédérale, là. Allô? Vous parlez presque d'une Europe fédérale, là, en l'occurrence. Piketty, lui, il veut une Europe fédérale. Je veux dire, faire lever l'impôt, c'est un pas énorme vers la fédéralisation. Bien sûr. Dont on n'est pas. Moi, je parle d'une Europe non libérale, c'est-à-dire d'une Europe. En fait, ce que je pense, c'est qu'il faudrait recréer un certain nombre de frontières, notamment pour le capital. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les frontières existent. Je veux dire, les systèmes culturels, institutionnels existent. Je veux dire, les nations continuent d'exister en Europe. Et aujourd'hui, le problème, c'est que l'épargne française va être collectée par les banques françaises et va servir à financer l'industrie allemande, parce que via le principe de libre circulation du capital. Il suffit que le taux de profit soit un tout petit peu supérieur en Allemagne qu'en France pour que tout le capital aille se déverser en Allemagne. Et ça pose un problème. Ça pose un problème du fait que les mouvements de population, eux, ne sont pas libres. Il existe des barrières linguistiques, il existe des barrières institutionnelles, les systèmes de formation ne sont pas les mêmes. Et donc, organiser la libre circulation du capital dans une région qui est au départ hétérogène, ça va appauvrir un certain nombre de régions. Donc moi, je suis pour revenir sur la libre circulation du capital. Et ça, c'est pas plus de fédéralisme, c'est juste rétablir des formes de barrières pour éviter la concurrence maximum qu'il y a aujourd'hui en Europe. Une dernière question sur ce thème-là avec René. En fait, c'est revenir avant la signature de l'acte unique. Oui. Ou plus précisément. Alors, oui et non. Parce que j'ai envie de dire qu'il y a des choses qui peuvent être bien dans l'acte unique. C'est faire un acte unique 2, si vous voulez. C'est-à-dire un acte unique qui prenne en compte les disparités qui existent entre les pays. Par exemple, je ne suis pas contre l'idée de la libre circulation des personnes en Europe. Je pense que ça marche plutôt bien, en réalité. Schengen, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, c'est pas si mal. Le problème, c'est que la libre circulation des personnes est beaucoup moins fluide, entre guillemets, que le capital. Et donc, quand on compare capital-travail, le capital peut mettre en concurrence les travailleurs beaucoup plus facilement que les travailleurs mettre en concurrence le capital. Et donc, je voudrais juste prendre en compte ça et considérer que il faut pas forcément avoir pour principe la libre concurrence d'un pays à l'autre, alors qu'au départ, les outils et les avantages des uns des autres sont pas les mêmes. Et donc, organiser, c'est ça que je voudrais, moi, une véritable politique industrielle à l'échelle européenne. Mais une véritable politique industrielle, ça veut dire défendre des champions nationaux, défendre des investissements dans les régions défavorisées. C'est ce que la France faisait. Je veux dire, l'aménagement du territoire, ça s'organisait à l'échelle nationale. Et maintenant, c'est détruit par les règles de concurrence européennes, mais ça ne s'organise plus à l'échelle européenne. Donc c'est plutôt ça que je défendrais comme idée, enfin dans l'absolu. Après, j'ai bien conscience que politiquement, c'est très compliqué. Alors, on a vu en 2015 comment les Allemands étaient extrêmement sévères avec les Grecs et refusaient toute renégociation, tout défaut de la Grèce et toute remise de dette de la Grèce, alors même que la Grèce n'avait pas les moyens et alors même que la Grèce a subi de fait la concurrence de l'Allemagne et qui l'a entraîné dans cet état-là. Donc le problème, c'est politiquement, quoi. On passe à un autre sujet peut-être avec Ludovic. Oui, alors donc cette Europe effectivement là, ordolibérale, donc façonnée donc par cette matrice donc qui nous vient de l'Allemagne et donc qui met le primat donc de la concurrence. Est-ce qu'elle a aussi des effets notamment sur les populations? Et on pourrait se demander si effectivement la montée de ce qu'on appelle les populismes, alors d'ailleurs on pourrait revenir sur le thème, est-ce que cette montée-là n'est pas liée justement à ces politiques néolibérales qui s'attaquent effectivement aux services publics, qui détricotent un certain nombre de droits, du travail, etc., qui n'harmonisent pas la fiscalité, etc., etc. Est-ce que finalement, il n'y a pas au lieu d'avoir cette vision un peu moraliste en disant « Ouh, là, les méchants populismes », est-ce qu'on ne peut pas non plus avoir une réflexion sur les causes de ces montées-là et en quoi cette Europe-là, elle est éventuellement vectrice de cette montée? Alors, je pense que c'est une excellente question et que il y a des travaux qui sont en train de se faire sur cette question du populisme. Il faut d'abord remarquer que le populisme n'est pas européen uniquement, puisque Trump, c'est clairement un dirigeant que je qualifierais de populiste, qu'on peut avoir aussi dans d'autres pays, en Turquie par exemple, même phénomène, ou en Russie. Mais en réalité, tous ces populismes sont, de mon point de vue en tout cas, les produits des mêmes causes. C'est la mondialisation, la marchandisation, on peut dire aussi le néolibéralisme. Et en Europe, clairement, on a une entité européenne néolibérale. Alors effectivement, on dirait plutôt la branche ordolibérale du néolibéralisme, mais peu importe de revenir trop sur ces détails. Et en gros, qu'est-ce que c'est que le néolibéralisme? C'est l'idée de dire, eh bien, il faut que les sociétés s'adaptent aux principes du marché et de l'attractivité et de la concurrence. C'est considérer que c'est pas l'économie qui doit être au service de la société, mais au contraire, la société qui doit être au service, non pas d'ailleurs de l'économie, mais du marché et des principes du marché. Et ça, on le retrouve en fait partout dans le monde. Mais en Europe, eh bien, on le retrouve d'une manière particulière, puisqu'il est de fait instauré par les traités européens, et en particulier, effectivement, par l'acte unique. Mais l'euro aussi participe de cela, parce que l'euro, c'est aussi une monnaie exogène pour tous les pays, c'est-à-dire c'est une monnaie qui impose un certain nombre de règles d'austérité. À partir du moment où on appartient à la zone euro, eh bien, on doit avoir une libre circulation du capital, on doit avoir une politique monétaire qui est décidée par une entité indépendante, la BCE, et donc le régime néolibéral s'inscrit aussi dans le cadre de l'euro. Quels sont les effets de ce néolibéralisme? Et là, il faut introduire une nuance qui, à mon avis, n'est pas assez introduite. Concrètement, d'une société à l'autre, le néolibéralisme n'a pas les mêmes effets. Et donc, puisqu'il n'a pas les mêmes effets, il ne va pas avoir les mêmes conséquences. Et donc, le populisme, en fait, n'est pas uniforme d'un pays à l'autre. Il y a différents types de populisme parce que les sociétés sont différemment affectées par les principes du marché. Alors, pour reprendre les cas par cas, prenons le populisme allemand. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le populisme allemand ou autrichien, vous voyez, de ces pays d'Europe du cœur? C'est plutôt des populistes qui sont anti-impôts, anti-Europe du Sud, parfois anti-euro, qui concrètement, c'est l'AfD hein, en Allemagne ou l'extrême droite en Autriche, hein, qui est au gouvernement en Autriche, hein, donc c'est pas des petits partis ou même aux Pays-Bas. Ce qui les embête beaucoup, c'est la peur qu'on leur demande de payer pour l'Europe du Sud. C'est-à-dire que concrètement, l'AfD, c'est beaucoup. C'est une force politique qui s'est affirmée dans la crise de la zone euro et dans l'opinion allemande, il y a l'idée que l'Allemagne tire un peu comme un boulet les pays d'Europe méditerranéenne, et donc ce qu'ils refusent absolument, c'est une union de transfert justement ou une forme de solidarité financière vis-à-vis des pays d'Europe du Sud. Et donc qu'est-ce qu'ils vont dire? Eh bien, ils vont dire les pays d'Europe du Sud, soit ils acceptent les règles, soit ils sont rigoureux, soit ils quittent l'Union européenne. Hein. On a eu d'ailleurs le ministre des Finances, Schäuble, qui avait menacé d'exclure la Grèce de la zone euro. Donc c'est un populiste, vous voyez, qui est le populiste des puissants. Hein. Je ne veux surtout pas me sentir solidaire des pays d'Europe du Sud. Quand on regarde le pays d'Europe centrale, on a un populisme qui est très différent. Eux, leur problème, c'est quoi? Ben, c'est en fait un effondrement démographique qui est lié à justement aux migrations extrêmement fortes hein, que la région a connues. En Roumanie, par exemple, depuis les années 2000, on a perdu plus de 2 millions d'habitants du seul fait des migrations. Donc c'est considérable, hein, en Pologne 200 000, etc. Et ceux qui partent sont souvent des personnes les plus éduquées, ce sont des jeunes, ce sont des forces vives, et le problème c'est que ça crée des tensions fortes dans la société et une forme de repli identitaire qui va être une idée que les élites hein, sont l'idée que les élites nous trahissent parce que tous ces jeunes quand ils sont formés en Roumanie, en Bulgarie, en Pologne, eh bien une fois qu'ils sont bien formés, ben ils vont pas rester dans leur propre pays, ils vont aller chercher des meilleurs salaires en Europe de l'Ouest, et donc il y a une forme de ressentiment de la population qui va du coup s'exprimer électoralement par des replis identitaires, et donc ils vont à la fois condamner bien sûr ceux qui partent, mais aussi empêcher. Ils sont en fait contre les migrations européennes en réalité. Et donc ça s'est traduit par la crise des réfugiés, par une espèce de crispation identitaire. Et alors évidemment c'est un populisme extrêmement conservateur sur tous les plans, en particulier alors en Pologne sur l'Église, les valeurs religieuses, etc. Une forme de réaffirmation de l'identité nationale contre le sentiment de perte d'identité via les migrations. Si on prend maintenant l'Europe du Sud, le populisme tel que Podemos ou même le populisme de 5 étoiles ou de Salvini, il est marqué par une forme d'opposition aux politiques d'austérité qui ont marqué l'Europe du Sud après la crise de l'euro. Alors évidemment, c'est très clair de Podemos, mais on le retrouve aussi dans le mouvement 5 étoiles, hein, puisque finalement l'idée du... Enfin, il y avait une branche sociale hein, du populisme italien, une branche anti-euro, et en fait, tout ça, c'est aussi la conséquence des politiques d'austérité. Puis en France, le mobilisme, bien, par exemple, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Que veulent le mouvement des Gilets jaunes? Ben, ils veulent une politique fiscale plus juste. Et derrière cette idée de revendication de politique fiscale plus juste, il y a aussi la conséquence d'une politique fiscale en France qui était très favorable aux entreprises et aux plus riches. Alors pour quelles raisons? Ben, pour jouer le jeu de l'attractivité, pour attirer le capital chez nous, pour compenser les désavantages structurels de la France en promettant à ceux qui investissent et qui allaient investir en France une taxation plus faible. Et du coup, ben, comme on a perdu de la fiscalité sur les entreprises, eh bien, on a augmenté la fiscalité sur les ménages, sur l'essence, etc. Et en fait, qu'ont en commun tous ces populismes? Eh bien, justement, la politique de concurrence et la libre circulation du capital du travail. En France, c'est bien contre la libre circulation du capital que se mène, par rapport à la libre circulation du capital que se mène cette politique fiscale injuste contestée par les Gilets jaunes. En Allemagne, c'est aussi un sentiment de perte de et de concurrence qui existe en Europe et de se dire, oh là là, on va devoir payer pour tous ces pauvres pays qui n'arrivent pas à s'en sortir. En Europe du Sud, c'est la question des migrations de population là qui est très importante. Et puis en Europe du Central, c'est la question des migrations. En Europe du Sud, c'est la question de l'austérité qui est au cœur. Et en fait, le néolibéralisme va affecter différemment les diverses sociétés et créer, engendrer des mouvements populistes qui vont avoir des revendications différentes. Oui, ce qui fait que, en vous écoutant, l'idée d'avoir un groupe unique des droites, des extrêmes droites européennes au Parlement, c'est pas gagné, quoi. Ah non, c'est pas gagné, non. Bah, de toute façon, ils sont d'accord sur quasiment rien. Alors, ils vont tous être d'accord pour dire, on parlait de la migration. Contre l'immigration, parce qu'on va retrouver des populismes anti-migratoires en Italie, en Europe centrale, en Autriche. Ils vont se mettre d'accord là-dessus. Mais pour tout ce qui est des politiques économiques, ils vont jamais être d'accord les uns par rapport aux autres. Donc effectivement, la cohérence du populisme n'existe pas, en fait. Une question de René. Oui, bien que tous ces mouvements populistes soient mus par des problématiques différentes, enfin, qu'ils soient différents les uns des autres, est-ce qu'ils ne traduisent pas, au fond, une volonté de reprise en main de leur destin par les populations? Si, tout à fait. Le néolibéralisme, c'est l'idée d'adapter la société au marché. Mmh. Et si on veut adapter la société au marché, c'est quelque part qu'on décide que la société n'a plus un droit de regard sur l'économie. Or, la société se traduit par des votes démocratiques. Et le vrai problème, mais vous avez tout à fait raison, enfin, du coup, je poursuis votre raisonnement, c'est que l'ordolibéralisme européen, il est fondé sur l'idée de supprimer peu à peu du pouvoir du politique et donc des citoyens tous les leviers d'action de l'économie. Et c'est ça qui est révoltant pour les gens. C'est-à-dire que ils vont chercher, du coup, à essayer de contester cet ordre qui les prive de ce pouvoir en votant pour des partis qui se disent, et qui, moi c'est le cœur du populisme, hein, qui disent on va reprendre la main, on va changer l'ordre des choses. Et c'est pas forcément de l'extrême droite, puisque j'ai cité Podemos, on peut penser que la France insoumise peut être aussi qualifiée éventuellement de mouvement populiste, bon, même si les choses sont pas aussi simples, en tout cas au niveau doctrinal. Mais on a bien une forme de revendication de la part de la société d'une reprise en main. Un auteur extrêmement important pour moi qui s'appelle Karl Polanyi, hein, qui est un économiste et anthropologue, avait essayé de faire l'analyse de la montée du fascisme dans les années 30. Et son analyse était le fascisme, il vient justement de l'affaiblissement des institutions nationales, des institutions sociales, de ce qui fait que les peuples font société, affaiblissement qui est la conséquence du néolibéralisme. Là, on ne pouvait pas ce terme, mais en réalité, c'est ça dont il voulait parler. Et du coup, bien, en fait, face à cet affaiblissement, ben, les gens ils vont avoir des votes qui vont aller vers une forme de conservatisme extrême, hein, pour essayer de revenir sur la perte de ces institutions. Et donc, ils vont se réfugier dans des valeurs qui peuvent être des valeurs fascistes. Polanyi va aussi expliquer que il n'y a pas que la possibilité fasciste, il y a aussi Roosevelt. Je veux dire, Roosevelt, c'est bien aussi la reprise en main de l'économie par le politique. Hein, le New Deal, c'est bien de ça dont il s'agit. Donc, le fascisme n'est pas la seule voie possible.

guerre l'Europe. Plus de 500 000. Et donc c'était l'Europe de Elsa Gelly. On quitte avec regret, c'est les activités d'attaque avec René. Oui, alors au plan national, donc, tout d'abord la marche mondiale contre Bayer Monsanto, donc c'est aujourd'hui le 18 mai 2019. Pour la 7e année consécutive, des citoyens du monde entier vont se rassembler dans des dizaines de villes pour des marches et des actions non violentes dans le but de manifester contre le système agro-industriel incarné par les multinationales de l'agrochimie, responsables de l'empoisonnement de la planète et de ses habitants actuels et futurs. La marche mondiale contre Bayer Monsanto est l'occasion de dénoncer collectivement un modèle agricole qui va dans le mur. Attaque France appelle à participer à cette marche mondiale. Et nous-mêmes, nous participerons cet après-midi, place de la République, au grand rendez-vous, 14h30. Voilà. Et aussi, seconde grève mondiale de la jeunesse pour le climat. Ce sera le vendredi 24 mai. Ce sera la deuxième journée de grève internationale de la jeunesse pour le climat. Après la mobilisation très réussie du 15 mars. Donc plus de 620 grèves sont déjà prévues partout dans le monde. De nombreux comités locaux d'attaque participeront et soutiendront ces événements, manifestations ou autres, organisés par les déclinaisons locales de cet événement mondial. La campagne européenne Stop Impunité des Multinationales, encore appelée des règles pour les multinationales, des droits pour les populations. Qui a été lancée par les Amis de la Terre. Oui, entre autres, oui, il y avait 200 organisations. Donc cette campagne, d'ailleurs, dont je vous ai déjà parlé au cours de la dernière émission, est marquée de plusieurs temps forts au cours de ce mois de mai. Déjà le 9 mai, à l'occasion du Jour de l'Europe. Le 18 mai, donc aujourd'hui, profitant de la journée contre Bayer Monsanto. Et enfin, le 24 mai, donc pour la grève mondiale pour le climat. Avec les lycéens. Voilà. Et plus tard dans l'année, d'autres temps forts sont également programmés. Fin août, lors du G7. Et en octobre, lors du cycle de négociation de l'ONU sur la responsabilité des multinationales. Pour rappel, cette campagne vise deux objectifs. Mettre fin au mécanisme de règlement des différends dans les accords de libre-échange, là on sait de quoi on parle, renforcer les législations contraignantes pour réguler les multinationales. Alors, des nouvelles également de la pétition lancée le 22 janvier, dans le cadre de cette campagne, 561 candidates et candidats aux élections européennes ont répondu à l'appel lancé par les 560 000 citoyens signataires. Ces candidates et candidats, issus de 8 listes différentes, s'engagent à promouvoir l'introduction de régulations contraignantes pour que les multinationales respectent les droits humains et l'environnement. 405 d'entre eux s'engagent également à mettre fin au système de justice d'exception dont elles bénéficient à travers les accords de commerce et d'investissement. Le fameux ISDS. Voilà. Et enfin, la campagne Union européenne, décrypter et désobéir, entre dans sa deuxième phase. Donc la première phase de la campagne a connu un certain succès, de nombreux comités locaux ayant organisé réunions publiques et débats. La deuxième phase, qui se déroule du 9 mai au 26 mai, est davantage tournée vers l'action. Il est proposé d'organiser un lobby tour ou une foire au lobby, c'est-à-dire une campagne sous forme d'action de rue, afin de dénoncer l'influence des intérêts privés sur les institutions européennes. C'était un sujet aussi à propos du Parlement, ça, le rôle des lobbies. En effet, oui. Alors, au plan local, comme Christian l'a dit, nos trois comités locaux participeront à la marche mondiale contre Bayer Monsanto. Et également, le vendredi 24 mai, nous serons également présents. Donc à Lille, bien sûr. Ce sera l'occasion également de mener une action dans le cadre de la campagne Stop Impunité des Multinationales, sous forme d'information du public et de distribution de tracts. Enfin, le comité local de Villeneuve-d'Ascq, dans le cadre de la carte blanche Attaque Villeneuve-d'Ascq, propose un ciné-débat. C'est la projection du film « Je veux du soleil ». avec la présence de François Ruffin, donc l'auteur, avec Gilles Perret, Non, il ne peut pas venir, mais par contre, Alexandre Chantry sera là pour les Gilets jaunes. D'accord. Donc c'est le mercredi 22 mai à 20h au Méliès, donc ici à Villeneuve-d'Ascq, la station de métro la plus proche, c'est le Triolo. Le comité local de Villeneuve-d'Ascq a également participé à la fête des initiatives citoyennes et solidaires organisée à Hellem hier, vendredi 17 mai. Enfin, le collectif gratuité des transports en commun, suite à la réunion du vendredi 3 mai, il a été décidé le lancement d'une pétition pour demander un référendum local d'initiative citoyenne concernant la gratuité des transports publics à Roubaix. Ok, merci. Florent. Oui, donc merci René. Donc les associations Survie Nord et les Amis du Monde Diplomatique vous invitent à la projection du documentaire Fa Vélo Madagascar 1947 en présence de la réalisatrice. À Madagascar en 1947, les rebelles insurgés contre le système colonial sont appelés Fa Vélo, ennemis de la France. Les derniers témoins évoquent leurs longs mois de résistance dans la forêt, armés seulement de sagaies et de talismans. Donc ça sera au cinéma Méliès à Triolo, Villeneuve-d'Ascq, le lundi 20 mai à 19h30. Conférence gesticulée Tagada Soin-Soin, donc Soin S-O-I-N, une conférence spectacle sur les conditions de travail à l'hôpital et sur le sens de public dans le service, dans service public. La sécurité sociale a permis un développement sans précédent du système de santé dans un pays ruiné par la guerre. L'hôpital public est un maillon irremplaçable de notre système de soins. Mais aujourd'hui, l'hôpital est au plus mal. Pourtant, leur vocation, leur engagement et leur dévouement restent toujours vivants et prêt à se déployer à nouveau. Ça sera au cinéma L'Univers, 16 rue Georges Danton à Lille, le mardi 21 mai à 20h30. Conférence du Cercle, Le Vent se lève. La transition écologiste sera-t-elle féministe ? Point d'interrogation, avec Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau envisagera les convergences entre féminisme et écologie politique en explorant l'articulation entre domination, rapport à la nature et exigence d'égalité. Ça sera au Café Peacock, 14 place Riour, le jeudi 23 mai à 19h30. À la Bourse de Travail de Lille, réflexion et partage de pratiques autour de l'autogestion, qui est donc la suite du premier échange début mai. Ça sera donc le samedi 25 mai à 10h. Le même jour, à 19h, au Centre culturel libertaire, présentation et soirée de lancement des éditions Les Étacs pour fêter leur sortie hexagonale, suivie d'une soirée festive. Les Étacs présentent Sa gueule d'arabe, premier roman de Thomas Yahi, et c'est un portrait fictionnel et politique de deux jeunesses lilloises dans les années 2000. Il y aura également une lecture d'ici la mer n'est plus et contre Euralil, critique de l'utopie métropolitaine. Vous pourrez également approfondir avec une discussion donc autour de ce livre contre Euralil, avec les débats de la société Louise Michel au café coopératif Les Sarrasins le vendredi 29 mai. Et enfin, Cabaret de l'Union sera le dimanche 26 mai au Théâtre du Nord à Lille. Donc ça sera à 16h avec le spectacle intitulé « Départ volontaire ». Xavier Garnier travaille comme technicien back-office dans une banque depuis 7 ans quand un plan de départ volontaire est annoncé. Il se porte candidat et rêve déjà d'une vie nouvelle et de monter sa boîte avec ses indemnités. Jusqu'au jour où il apprend que malgré sa validation, sa candidature est définitive. Bloqué. Xavier décide d'attaquer la banque au tribunal. Donc sera suivi d'un échange avec Christophe Dejour, psychiatre, psychanalyste, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, et Christophe Rock, metteur en scène, directeur de Théâtre du Nord. Réservation indispensable auprès de l'association Travail Culture. Ok, ben voilà, l'émission se termine. Il ne me reste plus qu'à vous dire passez un bon week-end, prenez soin de vous. Et au mois de juin, pour un thème qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on trouvera certainement d'ici le 22 juin, j'ai plus la date en tête, mais peu importe. Bon week-end et à bientôt sur les 106,6 MHz de Radio Campus. N'oubliez pas que vous pouvez toujours réécouter notre émission sur, pendant deux mois sur Radio Campus ou bien plus longtemps que ça, ad vitam aeternam sur notre site attaquelille.over-blog.com. Et au grand soin donc de Florent qui s'occupe de transférer notre mission sur le site. À bientôt. Sa Frauen bitten. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao, den kleinen Luca, der 14 Jahre war. Ich hab zu lang nur so gesehen, den kleinen Luca, der 14 Jahre war.